and I'm feeling good. Alors je m'active trop d'appétit pour grailler dans une gamelle. J'ai plaqué les études et j'ai pas le temps à perdre dans une caserne. J'évite qu'on me mette au vert pendant la trêve hivernale. Dans mon univers brûle ma barrette et plus les remparts. Un sourire quand c'est rentable, ça parle de grammes et de mètres carrés. Sky dans la galère, ça traîne le soir sur la plaine de plein palais. On perd les paramètres, renverse les gobelets, entasse les problèmes, coupe les chaînes, enjambe les barrières. Dans un Mac, ma rage dans une armoire. Je vois mes finances à la ramasse, mais ma barre bouge pas. J'boule toujours les costards. Le cognac roule les plombages, la résine tâche les paragraphes. T'as pas chose paradrame, on est projeté la trotchka. Tout le temps en grosse cafetière, j'gère plein de. J'ai pas du tas à ma portière, serre-toi dans les caravanes. Ma gorge demande de l'air à Marie-Jeanne. Toute journée indigeste, les tavernes se transforment en poudrière. Les canifs transpercent les paquets. J'crois dans ma galaxie, l'ambiance est mortelle. Ça cherche un bol d'air, la tête dans un cornet. J'dors mal à tornade, caché sous mon bonnet. On refile du rhume des foins en vendant du pollen. Collectionne les bêtises et les excès de colère. De la buée dans mon cockpit, de la buée des cocktails. Trop stress, j'avance en totem du prophète. Demande à Santiago, on fait tâche dans le cortège. J'voulais toucher le ciel, mais j'ai pas d'hélicoptère. Monsieur B, j'lui ménage. Dans un putain de bordel, j'ai l'esprit dans les vapes. Ne m'attendez pas, les bolos se perdent de la bolognaise dans mes pattes. J'ai plus le temps de m'égarer, ça c'est pour mes gars, ouais. 8-6 carats, frère, une canette ou le cas, ouais. Nous on nique des barrettes et puis on brûle des barrières. Chez nous, les départs se fait au Jack Daniel. Marche évite dans les crasses tout en contemplant le cratère. J'gratte ce qu'il y a à gratter, de l'espoir dans ma tête. Jamais marre de l'intégrité qui te laisse par terre. C'est 1, 2, 3 par terre, un bras de fer avec le crack vert. Dans ce casse-tête, j'plane sur le chemin du tram 13. Passe pas à la banque, j'ai mon oseille dans mes pattes. Tous les matins j'ai la tête lourde comme une pastèque, bien loin d'être parfait. Un air louche sous ma casquette. Tu veux passer une soirée s'il te plaît? Putain le bon. Ah putain le vent. On traîne des passeurs sur... On traîne des passeurs sous les t-shirts, salis des murs grisâtres. La vingtaine au compteur, les traces du collège sur le visage. On marche sans pare-brise, on a les poings qui se dessuient. Glace, on carbure aux artifices, Smirnoff dans le réservoir. Adepte de Kawan et Tush, gratte, espace et Thug Life. On traîne tard et consume les raids, pas nous. On fait notre beurre pendant que les minettes parlent. Je suis en mode whisky, j'ai zappé l'eau minérale. Qu'est-ce que tu veux mon vieux, je parle de ce que je connais. Les cocards, les hématomes, les coupas, les homataires. Je suis dans un monde à part, genre le matin et sort le soir. Quand l'hiver arrive, on hibère dans les sous-sols sales. J'ai la toux grasse, j'crache des trucs tout crates. J'm'enfonce, le doute plane. J'marche avec un pack de 12, j'rappe pour mes Kuzman. On rouille dans un trou noir, bref c'est le foutoir. J'nage en eau trouble, j'donne pas de pourboire. J'me taille à Cancun quand un keuf crie. Bouge pas, j'crache des couplets, les coupes c'est gratis. Les familles se découpent, les nuits c'est cool. J'découpe des trucs gratuits, on traîne dans le parking. On se tourne les pouces tous à la recherche d'un coupé sport. Ça joue du coup, le taf casse les couilles. J'écris tous les jours, ça fume la drogue douce. Et écoute du Wu-Tang. It's a new day, it's a new life.